Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Prendre en charge le handicap, est-ce une affaire d'État? Et d'ailleurs, qu'est-ce que le handicap? Pour en trouver la définition, regardons dans un dictionnaire, mais pas n'importe lequel. Le dictionnaire des courses par Charles de Lorbach en 1869. Car au 19e siècle, handicap est un mot nouveau. Hand in cap, main dans le chapeau, mot d'origine irlandaise qui est devenu, dans le turf, la désignation d'un genre de course fort intéressant, une course qui donne le plus possible les chances entre les différents chevaux. Hand in cap, main dans le chapeau, plutôt d'origine anglaise, évoque la mise qui était déposée dans une coiffure. Ainsi, un handicap est une course, oui, au 19e siècle, qui offre théoriquement à tous les concurrents des chances égales de succès. Puis le mot a évolué, il a changé de sens. Il désigne la déficience physique ou mentale, nous dit le dictionnaire. Dès lors, qu'en est-il de l'attention portée aux chances égales de succès ? Sophie Cluzel, bonjour. Bonjour. Quand nous évoquons ce mot de handicap et cette définition complexe parce qu'il n'y a pas un handicap, quelle définition donneriez-vous en vous appuyant notamment sur la loi de 2005, cette loi qui a donné une définition au handicap ? C'est la grande loi fondatrice, après de multiples lois. Ce n'est pas la première, puisqu'il y en a eu la loi de 75, la loi de 87. Donc depuis longtemps, la France cherche par la loi à améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Et c'est là la grande différence à la loi de 2005, c'est que nous prenons en compte l'environnement et l'interaction avec la personne handicapée et son environnement. Et si vous me permettez juste de la citer, cette définition dans la loi de 2005, parce que je la trouve très intéressante. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement, par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, polyhandicapées ou d'un trouble de santé invalidante. Pour la première fois, on met cette interaction entre la personne et son environnement, ce qui a changé totalement la façon de regarder les personnes et la façon dont l'environnement doit s'adapter à la personne. Nous sommes plus du tout dans l'intégration, nous sommes dans la société inclusive, très intéressant, qui démarre enfin depuis la loi de 2005. Et cette loi, elle a un nom, elle s'appelle l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Donc une petite révolution. On ne prend plus en charge, on prend en compte les personnes et surtout on prend en compte leur adaptation possible, et non pas leur adaptation, mais celle de l'environnement. Justement, Sophie Cluzel, vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées donc depuis 2017. Et cette question de vocabulaire est essentielle. Sur le sujet qui nous intéresse, c'est vrai qu'il y a eu un champ lexical gigantesque. Et parfois, aujourd'hui, les mots nous semblent complètement datés. Nous allons les entendre dans cette émission, vu que nous parlons de l'histoire du handicap. Mais c'est vrai qu'il y a eu des invalides, des déficients. Il y a eu vraiment énormément de mots. Cette prise en compte du vocabulaire ne couvre pas des réalités différentes au sens où parfois le vocabulaire permet de cacher des situations qui ne conviennent pas. Les situations évoluent en même temps que le vocabulaire. Bien sûr. Pour cela, il faut peut-être tout simplement se penser et imaginer qu'en France, nous sommes 12 millions de personnes en situation de handicap. Quand on dit ce chiffre colossal, parce que c'est presque un Français sur 5 concerné, on se dit « Ah bon ?» Pourquoi c'est si important de dire ça? Parce que 80% des handicaps sont invisibles. Donc la représentation qu'on en a est très importante et très loin de la réalité souvent de ce que vivent les personnes. Donc cette sémantique, elle a de l'importance. D'abord pour la dignité de la personne. Comme vous l'avez très justement dit, les mots étaient absolument affligeants. Quand on parle d'infirme, quand on parle d'invalide, quand on parle d'incompétence, quand on parle de déficience en permanence, comment voulez-vous que la personne puisse se construire avec ce qui, pour l'instant, lui manque pour pouvoir s'épanouir? Donc la sémantique est extrêmement importante et nous verrons que, heureusement, elle a évolué. Et sincèrement, cette semaine va être très importante pour mettre en perspective l'évolution. Pour autant, nous adorons quand même enfermer les gens dans des étiquettes, dans des petites boîtes, dans des modes de financement. Pour être éligible à un droit, vous devez pouvoir prouver que vous êtes avec un handicap particulièrement. Et depuis 2017, ce qui a beaucoup changé, c'est que le président de la République a voulu placer d'abord le handicap comme priorité du quinquennat. Et surtout, ce rattachement auprès du Premier ministre a fait sortir tout simplement les personnes de la santé. Ce ne sont plus des objets de soins, ce sont des sujets de droit. Et ça, ça change tout, parce que justement, c'est dans les politiques publiques de droit commun que nous devons prendre en compte la spécificité des personnes en situation de handicap, et non plus le voir par le prisme médical et leur incompétence, leur insuffisance et leur déficience. Donc c'est une très très grande révolution de prise en compte dans les politiques publiques, et c'est pour ça que ce rattachement est si important auprès du Premier ministre pour booster, pour influencer vraiment toutes les politiques publiques, de prendre en compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de grande loi sur le handicap. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Cet arsenal de la loi de 2005, il faut l'appliquer. Mais en revanche, nous avons travaillé, j'ai travaillé avec tous les ministres pour changer dans la justice, avec la loi formidable que nous avons fait avec Nicole Belloubet à l'époque, redonner le droit de vote aux personnes en situation de handicap, dans le travail pour réformer l'obligation d'emploi et permettre cette égalité des chances, dans la liberté de choisir son avenir professionnel, dans l'éducation avec Jean-Michel Blanquer sur la loi de la confiance, avec tout un volet très important sur l'école inclusive et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça qu'on change la donne. Et justement, pour ce regard historique, avec nous, Gildas Bréguin, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien chargé de recherche au CNRS. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Pour une histoire du handicap au XXe siècle, approche transnationale, Europe et Amérique ». À partir de quel moment, d'ailleurs, parle-t-on de handicap? Alors, non plus comme une course de chevaux, mais bien comme quelque chose qui fait partie de notre société, avec évidemment un regard qui a fortement évolué. Alors, en fait, tout dépend de dans quelle sphère linguistique on se place. Dans la sphère anglo-saxonne, on a beaucoup commencé à utiliser le terme handicapped au début du XXe siècle, notamment aux États-Unis, pour en fait suppléer au terme invalid ou crippled, à d'autres termes qui étaient péjoratifs, et le terme handicapped était préféré. En fait, il faut savoir qu'à l'échelle internationale, il y avait une concurrence entre deux termes possibles dans la sphère anglo-saxonne, entre le terme « handicapped » et le terme « disabled ». Le terme « handicapped » avait plutôt le sens de quelqu'un qui est désavantagé socialement et professionnellement, et le terme « disabled » avait plutôt le sens de quelqu'un qui est autrement capable, et donc qui a une compétence différente, pas forcément moindre que les autres. Et en fait, on observe à l'échelle internationale qu'il y a une compétition entre ces deux termes au cours des années 50. Et à l'échelle internationale, c'est le terme « disabled » qui va l'emporter pour désigner les personnes handicapées, et non pas le terme « handicapped ». Mais en France, en fait, la particularité de la France, c'est que les spécialistes ne vont pas réussir à traduire le terme « disabled » dans la langue française. Alors que dans la sphère linguistique hispanophone, par exemple, les spécialistes vont réussir à construire le terme « discapacitado » en préservant le préfixe « dis ». Et du coup, en France, on va choisir d'adapter le terme « handicap » et donc de conserver le terme « handicapé ». Et donc, c'est surtout… Oui. J'avais demandé à Sophie Cluzel, justement, je vous voyais acquiescer, parce qu'il y a ce regard transnational qui nous permet de comprendre l'histoire française de cette… Ce regard sur le handicap, qui est quelque chose d'assez complexe, nous le voyons bien, ne serait-ce que par la difficulté, nous l'avons entendu, de donner des mots, de mettre des mots. Mettre des mots, et puis bien sûr, avoir un regard sur la compétence. Moi, j'aime beaucoup ce mot de disabled, parce que pour moi, c'est autrement capable. Et ça, ce autrement capable porte en lui une force, une présomption d'une compétence différente et qui s'exprime de façon différente. Donc cette présomption, ce regard de présomption de compétence, il est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'il est enveloppant, il est porteur pour la personne et non pas, je dirais, compassionnel et surtout enfermant dans son incapacité. Donc ce « autrement capable » est une très jolie formule. Malheureusement, comme l'a dit notre Gildas Bréguin, il est difficilement traduisible. Alors, il faut absolument le porter, mais il faut aussi regarder notre histoire française sur ce que l'on a porté comme regard a souvent été excluant ou a été très limitant, très limitatif. Et pourquoi ? Parce que c'est notre culture. Nous avons une culture, nous aimons, nous en France, que j'appelle souvent les jardins à la française. C'est-à-dire de pouvoir mettre dans des cases, parce que nous voulons une harmonie. Nous ne voulons pas faire de la singularité une force différente. Nous voulons tout simplement l'intégrer comme cela dans des jardins à la française. Et ce que disait tout à l'heure Gilles Dasbroguin est très important, c'est que les anglo-saxons n'ont pas du tout eu ce regard-là. Et eux veulent travailler sur la force de la diversité. Et on peut comparer un jardin à la française, très bien construit, mais qui va isoler, à un jardin à l'anglaise, qui va faire justement des différences, une force. Et c'est ce que les anglo-saxons appellent « universal design », c'est-à-dire qu'ils conçoivent initialement la différence comme une force, tout simplement, pour pouvoir s'en servir et s'appuyer dessus. Et donc forcément, le regard est beaucoup moins lourd dans ces pays-là, où d'abord la personne circule beaucoup plus facilement que chez nous, parce que historiquement, nous l'avons d'abord isolé, nous l'avons carrément exclu dans notre histoire, puis isolé, et puis nous avons essayé de l'intégrer, et maintenant nous devons vraiment la faire participer. Et justement, pour saisir l'ampleur de cet isolement que vous évoquez, Sophie Cluzel, retour dans les années 1950. Pendant des siècles, la folie a été considérée comme un tout. On se bornait, sans chercher les causes des maladies, à faire des secousses en bloc. On provoquait le coma ou l'asphyxie par des moyens qui nous paraissent actuellement très brutaux, comme l'immersion dans l'eau glacée ou par des machines rotatoires. C'était à quelle époque ? Ceci a eu lieu pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au début du 19e siècle. Mais en dehors de ces traitements, quelles étaient, monsieur le professeur, les conditions de vie des malades mentaux ? Voilà, on se préoccupait avant tout des réactions dangereuses des malades. C'était surtout des mesures de ségrégation contre le danger. C'est pourquoi les malades mentaux étaient enfermés, très souvent enchaînés, pêle-mêle avec d'autres prisonniers de droit commun, et ils étaient en quelque sorte éliminés de la société. Ne faisait-on pas à cette époque déjà des distinctions entre divers malades ? Ne considérait-on pas qu'il y avait des malades guérissables ? Vous me posez là une question très importante, qui domine toute la psychiatrie encore maintenant. Cette notion du pronostic absolu en psychiatrie et de cette séparation a toujours été très discutée. Le professeur Henri Baruc, psychiatre qui s'exprimait en février 1956 sur l'évolution de la médecine devant le problème des maladies mentales. Gilles Dasbroguin, la France a fait le choix de l'enfermement, d'autres pays ne l'ont pas fait. Comment expliquer ces différences ? Alors c'est assez complexe parce qu'en fait les acteurs qui souhaitent justement institutionnaliser ont eu des objectifs différents. Par exemple, si on prend le cas des asiles d'aliénés, effectivement, il y avait une volonté d'extraire de la société les aliénés, comme on les qualifiait à l'époque. Mais dans d'autres cas, les acteurs associatifs ou les médecins avaient pour objectif d'intégrer. Si on prend par exemple le cas des classes d'enseignement spécialisées pour les déficients intellectuels au début du XXe siècle, ces classes avaient une visée intégratrice, puisqu'ils visaient à accueillir, comme l'a déjà indiqué l'historienne Monique Vial, elles visaient à accueillir des enfants qui étaient qualifiés d'anormaux et qui n'avaient pas accès à l'éducation et aux écoles. Et du coup, la création de classes, certes spécialisées et donc ségrégatives dans les faits, avait pour fonction de leur offrir une éducation qu'elles n'avaient pas auparavant. Et donc voilà, il y a des motivations différentes selon les acteurs. Et moi, je dirais que le phénomène d'institutionnalisation en France est très complexe et surtout, il est non linéaire. C'est-à-dire que il connaît des phases d'accélération au 19e siècle avec la multiplication des hospices et des asiles. Après la Première Guerre mondiale, avec la multiplication des centres de rééducation et la grande phase d'institutionnalisation, et surtout pendant la deuxième moitié du XXe siècle, en fait, on observe à partir de 1958 une multiplication des structures d'hébergement et des structures médico-éducatives qui sont créées par les associations et qui sont subventionnées par l'État. Il y a ce jeu association-État qui est au cœur de nos préoccupations dans le cours de l'histoire, parce que c'est la question que nous nous posons. Prendre en charge le handicap, est-ce une affaire d'État ? C'est une affaire d'État. Est-ce l'affaire de l'État ? Sophie Cluzel, justement, l'association, mais j'ai presque envie de dire l'individu, le parent, est au cœur, est le premier acteur de ce questionnement. Quel a été le rôle de l'État ? Aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur la place des personnes en situation de handicap dans la société. Pendant longtemps, l'État avait un regard, mais très haut sur ces questions-là. L'Institut allait tout sauver. En fait, l'État a été délégataire de sa compétence auprès des associations. Comme le disait M. Breguin, très justement, dans les années 50, ça a été vraiment le militantisme des parents qui se trouvaient extrêmement démunis avec leurs enfants en situation de handicap, handicapés. Et l'État a décidé, par délégation de services publics, de financer, mais sans s'en occuper réellement, de leur place au sein des autres. Et donc, rappelons-nous aussi que, historiquement, les cultes ont beaucoup joué, les congrégations ont énormément joué pendant toute la première moitié du XXe siècle. Et ça, c'est notre histoire, je dirais, qui le porte. Et donc, se sont beaucoup engagés. Et donc, il y a eu beaucoup de dations aussi, hein, de fondations cultuelles, avec loin des autres, c'est-à-dire souvent en race campagne, souvent dans des châteaux, comme je le dis souvent, des châteaux un peu au fond des bois. C'était pour protéger, certes, mais aussi éloigné du regard. Et les associations s'en sont emparées dans les années 50, 60, 70. Et là, il y a eu une accélération de financement des établissements médico-sociaux par les associations de famille. C'est des mouvements parentaux qui sont à l'issue et que je tiens à saluer parce que sinon, je ne sais pas où seraient ces personnes en situation de handicap aujourd'hui. Et petit à petit, on s'est habitué à cela. Et donc, dans les années 75-80, justement, la nouvelle loi de 75 a fait qu'il y avait une obligation de moyens uniquement. Et la grande loi de 2005 et de 87, c'est des obligations de résultats. Avec justement cette notion de dire, il faut participer, il faut partager cette obligation auprès des parents et des enfants en situation de handicap. Pour autant, ce grand mouvement dit de désinstitutionnalisation en Europe, il existe depuis longtemps. Dans les années 77, il y a eu la loi de tremblement de terre en Italie, c'est-à-dire fermeture des établissements pour enfants et tous à l'école de tous. Mais pas très loin de chez nous non plus. En Espagne, il y a eu un mouvement justement d'intégration beaucoup plus fort avec, je pense, l'axe fort de scolarisation des enfants handicapés au milieu des autres. Nous avons privilégié de continuer à avoir cette scolarisation dans des établissements spécialisés, avec des classes certes d'intégration, mais très faiblement, jusqu'à la grande loi de 2005, où il a été inscrit que la scolarisation des enfants handicapés était un droit et elle devait se passer à l'école du quartier. C'est ça qui a tout changé. Et donc avec une volonté des associations d'ouvrir leurs portes et de coopérer dans l'école. Ça a mis beaucoup de temps. Depuis 2017, nous accélérons avec le service public de l'école inclusive. Mais pour autant, on pensait, et les termes ont un sens, on parlait d'enfance inadaptée. Et ce terme-là, je veux dire, est très lourd et porteur justement de difficultés pour les familles. Donc il y a eu un grand mouvement après dans les années 2000 en disant les familles voulaient tout simplement mettre leur enfant à l'école du quartier. Ce mouvement de la fratrie qui passe dans la même porte de l'école, qui reconstruit cette famille en disant on est une famille avec des enfants et pas une famille d'enfants handicapés, était très importante et c'est pour ça que les familles de jeunes enfants veulent absolument l'inscription à l'école du quartier. Mais pour autant, nous avons été aussi là dans un mode d'accompagnement en mettant ces fameux auxiliaires de vie scolaire, accompagnants d'enfants éducation en situation de handicap, au cœur de notre accompagnement, ce que d'autres pays n'ont pas fait. Je reparlais d'Italie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des enseignants spécialisés qui doublaient justement l'enseignement dans les classes. Donc nous avons fait quelque chose de mitigé, nous, en France, ce qui explique peut-être le retard qu'on a pris sur la formation initiale de toute la communauté éducative à prendre en compte la différence. Les anglo-saxons disent quand même quelque chose de beaucoup plus joli. « Kids with special needs », des enfants à besoins particuliers. Et là, forcément, on a une irrigation de la responsabilisation de chacun et on est dans la responsabilité populationnelle que c'est l'affaire de tous si on travaille justement sur cette formation initiale des enseignants et non pas sur un mode un petit peu mixte comme on l'a fait en France. Et justement, ce mode mixte en France, Gilda Breguin, c'est cette explication du retard français qu'évoque Sophie Cluzel à l'instant. L'ensemble de la communauté éducative, et c'est vraiment essentiel pour accueillir un enfant, que l'enseignant lui-même soit formé, mais pas seulement l'enseignant, tous les personnels de l'éducation nationale, est-ce que cela a été pris en compte dans les autres pays, dans la longue histoire de la prise en charge des personnes en situation de handicap? Alors oui, mais comme Sophie Cluzel l'a indiqué, c'est vrai que les pays nordiques et certains pays européens se sont penchés sur le fait d'inclure les enfants dans les écoles ordinaires bien plus tôt que la France. Et dès les années 60-70, notamment dans les pays nordiques, les spécialistes ont la volonté de normaliser les conditions de vie des personnes handicapées et de leur attribuer les mêmes droits que les autres êtres humains, c'est-à-dire notamment par exemple pour les déficients intellectuels, on veut leur attribuer le droit de voter, le droit de se marier, d'avoir des enfants, et donc on veut aussi leur faire bénéficier de la vie la plus ordinaire possible et donc de les inclure dans les mêmes classes que les autres enfants. Mais le personnel est formé pour cela, parce que ce n'est pas tout de dire nous allons mettre les enfants à l'école, il faut que l'ensemble de l'institution soit concernée. Tout à fait, tout à fait. Du coup, ils ont enclenché des systèmes de formation des enseignants, de soutien en fait, qui sont capables de soutenir l'inclusion en fait des enfants dans les écoles. Alors que en France, c'est vrai qu'on est resté plutôt pendant très longtemps en fait sur un schéma de formation d'enseignement spécialisé qui travaille dans les institutions spécialisées. Et ces institutions spécialisées, on les retrouve en France sous forme d'institutions spécialisées, mais qui excluent certaines personnes de la société, avec d'autres tentatives, des essais d'avant-garde, ces essais qui étonnaient dans les années 1950. C'est une école du miracle, en effet, que l'Institut de Larnay, près de Poitiers. Cette école qui se consacre à l'enseignement des enfants sourds, muets, parvient par ses méthodes modernes à leur donner la possibilité de comprendre et de parler. On sait que si les sourds, en général, ne parlent pas, c'est qu'ils n'ont jamais entendu la parole. Et rien n'est plus émouvant que le premier balbutiement des élèves, vérifiant dans la glace le mouvement de leurs lèvres calqué sur celui du professeur. Plus tard, l'utilisation d'un casque transmettant à l'enfant les sons amplifiés de sa propre voix et d'un oscilloscope qui lui permet de calquer sa voix sur celle de l'éducatrice amèneront une sorte de rééducation auditive. Murés autrefois dans leur monde silencieux, ces enfants ont aujourd'hui la possibilité de s'en évader. L'école de Larnay, l'Institut de Larnay, présenté en 1954 comme l'école du miracle. Sophie Cluzel, nous l'entendons bien dans cette archive des actualités françaises. Nous sommes dans le marginal ici avec quelque chose de très intéressant. C'est cette fascination pour, et mais depuis le 18e siècle, sur les enfants sourds. On va avoir la même chose avec les aveugles, les succès, Monsieur Braille, l'abbé de l'épée. Le handicap est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus complexe. Comment se met en place une réflexion sur qu'est-ce que le handicap, de façon simplement à donner des réponses aux personnes qui sont concernées, aux parents? Eh bien, je dirais, donnons-leur la parole aux personnes handicapées pour expliquer ce qu'elles vivent. Parce que bien souvent, on leur confisque ou on parle à leur place. Tout à l'heure, vous disiez former la communauté éducative. Mais une personne qui peut former les autres, c'est bien le parent. Les parents n'ont pas une mode d'emploi quand une naissance survient. Ils se sont formés. Et donc, l'expertise parentale, l'expérience des personnes en situation de handicap doit être au cœur de notre politique. On gagnera énormément de temps. C'est pour ça que là, je lance un grand programme de formation sur l'autodétermination, le pouvoir d'agir et l'accompagnement par les pères. Mais donnons-leur la parole dans les médias pour expliquer ce qu'ils vivent, par exemple. On est très loin du compte. Je tiens à rappeler que quand même, avec le baromètre du CSA, nous sommes à 0,6% de représentation dans les médias des personnes handicapées. Donc arrêtons de parler à leur place, donnons-leur la parole pour qu'elles expliquent ce qu'elles vivent et que le citoyen lambda qui ne vit pas cette situation puisse mieux percevoir. Je vous rappelle que 80% des handicaps s'acquièrent au cours de la vie. Donc, ces personnes, elles ont eu déjà des parcours. Brusquement survient un handicap, elles ont une résilience pour le surmonter. Ce sont des atouts formidables pour notre société. Et pour comprendre ce qu'elles vivent, donnons-leur beaucoup plus la parole. Ça sera du gagnant-gagnant pour travailler sur des politiques publiques, pour travailler sur des améliorations quotidiennes qui serviront à tous. Moi, je dis toujours que quand le handicap progresse, c'est toute la société qui en profite. Parce que là, nous avons des expériences de vie extrêmement intéressantes à mettre en valeur et s'appuyer dessus. C'est comme ça qu'on changera le regard et sur le handicap et sur la capacité, la compétence, le autrement capable de pouvoir rebondir, de pouvoir vivre une situation compliquée, mais qui servira à tous. Gildas Bréguin, vous êtes l'auteur de « Pour une histoire du handicap au XXe siècle ». Et justement, quand il est question de parole des personnes concernées par le handicap, donc les personnes elles-mêmes et puis leur entourage, se pose la question des sources pour l'historien. Écrire une histoire du handicap, c'est aussi chercher des sources. Les personnes en situation de handicap ont-elles la parole ? Alors oui, elles ont la parole, elles ont émis de nombreuses revendications politiques depuis plus d'un siècle, en fait, depuis le début du XXe siècle, on retrouve des archives associatives ou elles ont construit des associations et ont laissé des traces de leurs revendications dans la presse. Elles ont parfois écrit des témoignages autobiographiques qu'on peut lire. On peut aussi retrouver les traces des archives associatives, mais c'est vrai que les associations se sont peu rendues compte de l'intérêt de la conservation de leurs archives, et du coup beaucoup d'associations privées donc n'ont pas su conserver en bon état et n'ont pas classifié leurs archives et donc ne laissent pas les chercheurs les consulter de manière très libre. Et du coup, ça constitue un problème pour écrire l'histoire des personnes handicapées et ensuite de pouvoir ériger les personnes handicapées comme acteurs historiques, y compris dans les manuels scolaires, par exemple. Oui, parce que cette présence de l'histoire des personnes en situation de handicap est un champ de recherche qui est en ce moment complètement bouleversé. Cette histoire-là fait écho à ce jeu constant entre associations et État. Sophie Cluzel, l'État s'est-il désengagé auprès des associations ou l'État a-t-il été toujours présent ? Nous parlons de l'anniversaire en février 2005, donc de cette loi essentielle, cette loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Est-ce que l'État reprend la main en fait ? L'État co-construit sa politique avec les associations, mais je vous rappelle aussi avec les départements de France. Parce que notre histoire fait que nous avons partagé cette politique de la solidarité avec les départements de France. Et ça, c'est très important à avoir en mémoire, parce que moi, je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient. Donc cette notion d'équité territoriale est très importante dans la réponse qu'on va apporter aux personnes. Donc l'État, elle co-construit sa réponse et sa politique avec les associations gestionnaires et les personnes handicapées elles-mêmes. Parce que arrêtons aussi de mettre des médiations permanentes entre les personnes et l'État. Elles peuvent aussi exprimer directement. Et c'est pourquoi j'ai voulu rénover justement le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est une entité avec qui je co-construis ma politique publique. Et je l'ai ouvert à beaucoup plus, j'ai souhaité l'ouvrir à beaucoup plus de personnes handicapées directes, qualifiées, qui peuvent parler de ce qu'elles ressentent et qui n'ont pas forcément besoin d'une médiation avec une association. Donc nous avons trois piliers, nous avons l'État, nous avons les départements et nous avons les associations et donc ce Conseil national consultatif des personnes handicapées avec qui je co-construis. Donc l'État finance beaucoup de choses. Je voudrais quand même rappeler à vos auditeurs que la politique du handicap représente 51 milliards, 2,3% du PIB. C'est un chiffre colossal. Alors qu'est-ce que ça recouvre rapidement, hein ? Ça recouvre plus de 12 milliards de financement des établissements médicaux et sociaux et services. Ça recouvre 10 millions d'allocations adultes handicapés. Je vous rappelle, 900 euros par mois pour une personne handicapée qui est empêchée, par exemple, par sa situation de handicap de travailler. C'est plus de 2,5 milliards d'investissements sur ce quinquennat. Je tiens quand même à le rappeler. Et puis, il y a les pensions d'invalidité. Les indemnités justement que vous touchez quand vous avez un accident du travail, que vous ne pouvez pas accéder à ce travail. Mais il y a aussi le financement du travail protégé, ce qu'on appelle les ESAT, les ateliers. Le financement de cette éducation inclusive, où aujourd'hui nous sommes presque à 3,6 milliards d'investissements. Et ainsi de suite. Pour autant, le ressenti de la personne n'est pas à la hauteur des sommes que nous investissons. Donc il faut bien que nous remettions en cause et en perspective peut-être d'avoir plus de financement à la personne pour lui donner son choix de vie. Et c'est ce que je fais puisque nous avons ouvert des nouveaux droits. Un droit pour le logement, un droit pour par exemple être tout simplement parent quand on est en situation de handicap. Et ça c'est des droits qui sont beaucoup plus individualisés à la personne. C'est ce que la loi de 2005 a posé. Un droit à la compensation individuelle pour sa situation de handicap pour choisir sa vie. Et là je pense qu'on a une évolution très intéressante dans la construction de notre politique publique. Et justement, dans le choix de vie, choisir sa vie, une certaine forme d'autonomie, en fait, on pourrait dire, Sophie Cluzel, il y a cette question de l'aide aux adultes handicapés, cet argent qui est donné à chaque personne individuellement et qui vient, alors cette fois, d'être mise en relation avec ce que peut gagner le conjoint et une pétition qui a atteint les plus de 100 000, je crois qu'on est à 104 000 signatures donc auprès du Sénat, donc ça va passer tout de suite en discussion auprès de la commission des présidents, pose problème aujourd'hui de dire que les gens qui bénéficiaient de cette aide individuellement n'en bénéficient plus parce que leur conjoint gagne trop et doivent demander à leur conjoint de l'argent. Donc toute notre politique de financement en France est basé d'abord sur la solidarité nationale et sur la solidarité familiale. C'est ainsi que toutes nos allocations sont construites. C'est le pilier même de nos valeurs républicaines, c'est-à-dire donner l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Je rappelle aujourd'hui que l'allocation adulte handicapé est à 900 euros, le RSA est à 500 euros. Je rappelle aussi que la situation d'handicap est prise en compte, puisque dans le calcul tout simplement de la conjugalisation de cette allocation, il y a des abattements très important, qui permettent justement de prendre en compte. Et je rappelle que cette allocation, elle est là justement pour subvenir à un problématique de pouvoir accéder, comme tout un chacun, au marché du travail. Mais pour autant, chaque individu peut avoir cette prestation de compensation du handicap individuel qui s'appelle l'APCH et qui vient compenser et qui peut aller jusqu'à plus de 500 euros individuellement. Donc cette pétition, bien sûr, dont je suis au courant. Mais pour autant, si nous allons vers cette déconjugalisation, nous remettons en cause tout notre système de financement. Et en même temps, les personnes handicapées veulent être des sujets de droit commun, comme tout Français et comme tout citoyen. Donc cela s'étudie et j'entends bien que c'est complexe et c'est vers ça que je veux aller, c'est-à-dire remettre à plat. Je rappelle aussi qu'il y a des fiscalités très importantes aussi pour les personnes en situation de handicap. Mais par contre, c'est des petits bouts. Et la personne handicapée, elle a du mal à se projeter. Et donc c'est ça que je veux travailler avec elle, c'est de simplifier l'accès à toutes ces aides. Nous sommes champions en France pour ouvrir des droits et en même temps créer les non-recours à ces droits parce qu'on demande des critères d'éligibilité très très fastidieux pour les personnes en situation de handicap. Juste un tout petit exemple, j'ai donné des droits à vie aux personnes handicapées, chose que depuis 30 ans était demandée par les personnes. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de prouver pour avoir votre allocation adulte handicapé, tous les 3 ans que vous êtes toujours trisomique, aveugle, doublement amputé, c'était le cas. C'était de l'indignité et j'ai vraiment souhaité remettre justement cette dignité et cette simplification de la vie des personnes. À qui demande-t-on ça en permanence ? Qu'aux personnes en situation de handicap. Justement, Sophie Cluzel, vous venez par deux fois d'utiliser le mot simplifier. C'est très intéressant parce qu'en préparant cette émission avec Maïwenn Guizhou, le mot qui revenait sans cesse, c'est le mot « c'est complexe ». C'est compliqué. Gildas Bréguin, l'histoire du handicap est une histoire compliquée, ne serait-ce que parce que le mot lui-même couvre des réalités différentes et puis parce que les réponses varient énormément. Des réponses selon le type de handicap, selon les territoires, les départements, les régions, le rôle des associations et de l'État. C'est une histoire complexe. Tout à fait. En fait, il faut comprendre qu'il y a des rapports de force entre de nombreux acteurs qui interviennent dans ce champ-là et dans tous ces secteurs-là. Il y a les médecins, l'Église, les représentants d'entreprises privées aussi. Enfin, Sophie Cluzel mentionnait la politique du gouvernement qui favoriserait la vie autonome. Et il y a des contradictions. Par exemple, le vote de la loi Elan, récemment, en fait, on a vu que le gouvernement a restreint en fait la nécessité de rendre accessible les logements. Et du coup, on voit bien que la politique publique du handicap se construit avec des rapports de force, avec la pression de certains acteurs sociaux qui ne veulent pas ou qui veulent faire progresser les droits ou qui veulent que ces droits soient restreints. Et en fait, tout au long du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a, par exemple, les congrégations religieuses et les institutions spécialisées qui ne veulent pas que leurs institutions soient laïcisées et que leurs institutions dépendent du ministère de l'instruction publique. Par la suite, on observe qu'à partir des années 70, quand à l'échelle internationale, on voit qu'il y a la promotion des normes d'accessibilité, en France comme dans de nombreux pays du monde, les représentants d'entreprises privées et de nombreux responsables politiques refusent d'appliquer ces normes-là parce qu'elles sont considérées comme trop coûteuses et comme pouvant nuire à la rentabilité de leurs entreprises. Et justement, c'est vrai que la question, vous venez de l'évoquer, Gildas Bréguin, de la loi Elan, donc qui voulait que les logements soient 100% accessibles aux handicapés, et puis l'ambition a été revue à la baisse. C'est une question qui pose problème, Sophie Cluzel. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées, et c'est un poste qui oblige à sans cesse répondre à ces critiques, mais c'est normal, hein, sinon ce serait pas intéressant. Il faut y répondre. Et c'est vrai qu'il y a polémique, le mot est trop fort, mais discussion sans cesse, et c'est obligatoire, notamment là, sur la loi Elan. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on a été souvent, par la loi, extrêmement dogmatique en France. Et donc là, il nous faut avoir des droits qui soient pragmatiques et qui soient appliqués. Moi, ce qui m'importe, c'est l'accessibilité du quotidien, la mobilité du quotidien. Tous les grands établissements recevant du public sont accessibles aujourd'hui. Mais en revanche, comment aider la personne au quotidien à faire ses courses, aller à son café du coin, à sa pharmacie, aller tout simplement à son centre médical qui parfois n'est pas accessible? C'est là-dessus que nous devons travailler. Cette loi de 2005, elle a fait de façon incantatoire, tout serait accessible dans les 10 ans. Tout, du métro, en passant par les établissements recevant du public, en passant par le commerce. C'était totalement illusoire. Donc ce que je veux, moi, c'est accompagner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement déjà mettre en accès libre tout ce qui est déjà accessible, pour permettre prise de conscience que je peux aller d'un point B à un point C, c'est accessible. En revanche, ce que je veux, c'est accompagner les petits commerçants de façon pragmatique, pour les aider à leur montrer que c'est un investissement et pas une charge, qu'ils vont pouvoir démultiplier, par exemple, leur clientèle. Parce que ça ne sera pas que pour la personne à mobilité réduite, ça sera pour la personne âgée qui est en train de vieillir et qui a du mal avec son déambulateur à franchir cette marche, ça sera pour les familles nombreuses. Montrer que le handicap n'est pas une charge, mais un investissement de rentabilité, de performance, que embaucher une personne en situation de handicap, c'est aussi de la performance managériale différente, que ça travaille pour le bien commun de tous, de tous les acteurs dans l'entreprise, et en faire vraiment un vecteur d'engouement et non pas de charge et d'investissement. Et pour juste revenir sur la loi Elan, parce qu'en effet, je n'évite jamais rien, nous avons gardé notre ambition universelle. Toutes les parties communes, salons et toilettes sont 100% accessibles. Mais quand vous êtes, et comme je vous l'ai dit, une situation de handicap s'acquiert 80% pendant la vie. Vous êtes une famille nombreuse, vous avez envie d'une grande chambre et d'une petite salle de bain. Survient un accident, votre enfant est en fauteuil, vous allez pouvoir déplacer cette cloison sans grand frais parce que nous construisons de façon plus intelligente maintenant. C'est aussi répondre à la variété des situations de handicap. Donc moi, je suis extrêmement pragmatique. Oui, j'ai été critiquée sur cette loi Elan, mais je vous rappelle que j'ai réussi à abaisser l'ascenseur dès le deuxième étage, ce qui n'existait pas avant, pour démultiplier l'offre accessible. Du pragmatisme et de la vraiment de la réalité du quotidien, c'est ça qui m'importe. Les associations sont porteuses de toutes ces revendications, évidemment légitimes. Il est certain que, je parle de mon expérience, mais je pense que tout le monde le ressent aussi dans nos vies plus ou moins longues, il y a une évolution très nette dans le vocabulaire utilisé, dans l'accès qui est mis à disposition pour les personnes en situation de handicap. Malgré tout, je vais vous faire écouter une archive. Sophie Cluzel, c'est une archive de Clara Candiani, donc journaliste, mais qui avait pris fait et cause pour les enfants. Nous sommes en 1956. Des enfants pas comme les autres. Combien sont-ils en France? Ces enfants mongoliens, épileptiques, grands instables, arriérés profonds, infirmes moteurs cérébraux. 100 000? 200 000? On n'en sait rien. Car il n'y a pas de recensement spécial pour eux. Et la sécurité sociale ne veut pas les connaître, et les parents souvent répugnent à les signaler. Pour ces victimes, que fait l'État? Rien. Rien ou si peu qu'il vaut mieux n'en point parler. Avoir un bébé pas comme les autres, c'est toujours un calvaire sans nom pour les parents. Mais quand ceux-ci ne sont pas riches, au calvaire s'ajoute l'injustice de la condition sociale, l'affreux sentiment qu'on ne fait pas tout ce qu'on peut pour améliorer l'état de l'infirme parce qu'on n'a pas d'argent pour le faire. Et c'est atroce. Dans les services spécialisés des hôpitaux, le médecin hésite parfois à énoncer le verdict. Madame, disait devant moi un jour un grand professeur d'un débile qui ne savait ni parler, ni marcher, ni manger, qu'il venait d'examiner. Il n'y a pas de traitement possible pour celui-là. Il ne sera jamais comme les autres. Tâchez de le faire admettre dans un établissement spécialisé. Spécialisé? Mais il n'y en a pas. Ou si peu qu'ils sont toujours pleins. Alors le manque de place, d'organisation, de soucis gouvernementaux pour ces problèmes oblige à entasser le plus grand nombre de ces enfants dans des hospices d'incurables, ou déchets d'une société criminelle et indifférente, Ils pourriront, leur vie durant, oubliés de tous, sevrés de la seule chose à laquelle ils soient vraiment sensibles, la tendresse, la douceur d'un geste maternel. Une archive qui nous touche, hein, parce que c'est vrai que quand Clara Candiani évoque le rôle de l'État, la place de l'enfant, nous entendons bien que beaucoup de choses sont datées, ne serait-ce que le vocabulaire et certaines phrases très dures sur l'État qui ne fait rien. Depuis, il y a eu des lois, il y a eu un investissement. Sophie Cluzel, malgré tout, il y a des choses qui restent valables dans ce qui a été dit. L'importance de la tendresse, cela doit être pris en compte, cela est pris en compte. L'institution qui exclut l'enfant de cadre familial ou social tue la tendresse en partie. Il faut aussi remédier à ça, créer cette relation entre les parents et les enfants. Est-ce que la politique de l'État va en ce sens, sachant que l'Organisation des Nations Unies a demandé récemment que la France doive fermer ses institutions ? C'est très intéressant cette archive, parce que le ressenti des parents à la naissance est encore très profondément celui-là. C'est-à-dire que comment vais-je faire pour pouvoir insérer cet enfant dans la crèche, tout simplement. Les premiers refus sont parfois à la crèche. C'est bien pour ça que moi je prône vraiment qu'au lieu de penser tout de suite institution, nous pensons comment ces experts dans les institutions que sont les rééducateurs, que sont tous ces professionnels viennent accompagner la famille là où elle vit sa naissance, là où elle vit son accident. C'est comme ça. Il leur donne du possible et l'accompagne. C'est bien cette coopération qu'il nous faut faire. L'accompagne à la crèche de son quartier. C'est pour ça que j'ai mis des bonus sur les crèches inclusives dès le premier enfant. Parce que je reconnais ce besoin de temps et d'expertise qui vient en appui du droit commun que sont un éducateur à la crèche qui parfois, dans sa formation initiale, n'a pas été formé. Vous imaginez qu'on est en 2022-21, dans sa formation initiale encore, tous les professionnels ne reçoivent pas cette attention et cette adaptation nécessaire qu'il faudra faire. Donc c'est ça, comment je me sers vraiment de ce réseau, parce qu'en France on a un réseau d'experts dans ces institutions, dans les établissements, dans les services, et c'est cette transformation, ce virage dit inclusif qu'on me reproche souvent, soit de pas aller assez vite, soit d'aller trop vite. Donc vous voyez bien que là, on a une grosse attente des parents pour être beaucoup mieux accompagnés dès la naissance. Et là, nous avons les experts, et là, nous devons travailler en coopération. Et là, les murs tombent, et la coopération, cette porosité entre ce monde ordinaire et ce monde spécialisé doit se faire. C'est tout l'enjeu de ma politique publique, cet enjeu de transformation. On a la chance, en France, d'avoir un très beau réseau. Maintenant, il faut qu'ils se mettent au service de l'accompagnement en milieu dit ordinaire. Qu'ils rentrent dans les murs de l'école, rentrent dans les murs des crèches, rentrent dans les entreprises. C'est le job coaching que je suis en train de monter. C'est comme ça qu'on changera pour donner du possible. Et arrêtons de penser place, mais passons parcours, pensons accompagnement. Nous avons ouvert la première classe pour enfants polyhandicapés dans l'école de la République, dans un petit village, des Molières pour ne pas la citer, dans le 78. Des enfants polyhandicapés qui ne parlent pas, qui crient souvent, qui n'ont aucune interaction classique comme vous et moi, au milieu des autres, ils apprennent au milieu des autres. Une petite fille de CM2 qui me dit « Mais ils étaient où ces enfants ? On les avait jamais vus de notre vie. Ce sont les invisibles de notre société et c'est cela que je veux rendre visible, justement en pouvoir leur faire bénéficier d'apprentissage, car tout être peut apprendre. Il n'y a pas de vie minuscule, comme dit Charles Gardou. Ça prouve bien que nous avons encore des efforts colossaux à faire sur la représentation du possible et d'apprendre ensemble. Et justement, vous venez d'évoquer les crèches, les écoles et même l'entreprise. Sophie Cluzel, je voudrais même qu'on aille plus loin, parce qu'il y a cette question des personnes en situation de handicap âgées qui ont du mal à trouver des places même dans les EHPAD. Oui, parce qu'il y a une différence d'âge. Heureusement, dans notre société, nous vieillissons. Cela veut dire que les personnes handicapées, nous les accompagnons beaucoup mieux au niveau santé. Pour autant, là aussi, on devient handicapé, on devient vieux à quel âge ? Quand vous sortez d'un foyer de vie, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de choix quand on est une personne en situation de handicap. Soit on est en capacité de vivre chez soi, mais on est assez isolé, soit on a cette vie collective qui parfois n'est pas souhaitée ni souhaitable. Eh bien, je suis en train d'offrir un troisième choix avec l'habitat inclusif, c'est-à-dire des colocations de personnes qui veulent partager un projet de vie, mais en cœur de ville et non pas avoir justement un établissement extrêmement pluriel, extrêmement non individualisé. Les EHPAD, aujourd'hui, la moyenne d'âge des EHPAD, des personnes non handicapées, c'est 85 ans. Vous êtes dans un foyer à 60-65 ans, on vous demande d'en sortir. À qui demande-t-on de quitter ce logement aujourd'hui, si ce n'est à des personnes handicapées vieillissantes, parce que nous avons construit notre politique de logement par délégation justement de compétences au département, et nous en avons fait encore un objet à part. Gildas Bréguin, nous arrivons tout doucement à la fin de l'émission. Je ne vais pas vous demander votre avis sur la politique de Sophie Cluzel, c'est pas la question ici. Par contre, je vais vous demander, dans l'histoire du handicap, c'est votre spécialité, comment s'inscrit la politique qui est menée actuellement? Est-ce qu'on est dans une révolution ou est-ce qu'on est dans une accélération d'une tendance qui existe depuis un petit moment? Je pense qu'on est plutôt dans l'accélération de ce qui se faisait avant. Mais c'est vrai que la France a conservé un énorme retard, notamment sur le plan de l'accessibilité, parce que c'est vrai que quand on veut développer une société inclusive, il y a des préalables à cela. C'est-à-dire qu'il faut que tous les centres-villes soient accessibles, il faut que tous les transports publics soient accessibles, et il faut qu'une grande partie des logements disponibles soient aussi accessibles pour que les personnes handicapées puissent effectivement sortir des institutions, trouver un logement accessible, puissent prendre le transport public, puissent circuler en ville quand elles ont des difficultés de déplacement. Et ça, pour l'instant, dans nombreuses villes de France, il n'y a pas encore d'accessibilité universelle des centres-villes. Les transports publics ne sont pas toujours accessibles. Et aussi parce que l'État, pendant très longtemps, a refusé d'imposer de manière drastique des normes d'accessibilité aux différentes collectivités. Et voilà. Parce qu'il considérait effectivement qu'il fallait y aller progressivement, mais il faut se rendre compte que ça fait plus de 50 ans à 60 ans que les personnes handicapées et leurs associations revendiquent la mise en place de normes d'accessibilité et revendiquent le fait de pouvoir prendre des services publics de transport. Et or, 50 ans plus tard, ce n'est pas encore le cas partout. Et Sophie Cluzel. Oui, alors. Bien sûr, vous avez raison que la mobilité est indispensable, mais ne réduisons pas le handicap au handicap moteur. C'est 3% des personnes en situation de handicap. Moi, ce qui m'intéresse, et vous l'avez dit très justement, c'est le mot accessibilité universelle. Comment, au-delà, quand un tramway est accessible, parce qu'ils sont tous accessibles, comment je forme l'agent d'accueil à une personne handicapée mentale ou psychique qui veut prendre et qui a besoin d'informations? Ne focalisons pas tout sur le handicap moteur, parce que, encore une fois, nous avons encore un boulevard d'amélioration pour tous les autres types de handicap et qui ne passe pas par des investissements massifs. Je parle de la formation des agents, je parle de tout simplement de la signalétique, qui n'est pas encore en accessibilité universelle hein, pour des personnes qui ne sont pas justement en capacité de lire des panneaux compliqués. Donc là, avec l'accessibilité universelle, nous devons pouvoir progresser beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et par exemple, les Jeux Olympiques et Paralympiques seront un accélérateur, puisque dans le village olympique qui sera en héritage des logements en Seine-Saint-Denis, nous travaillons avec toutes les associations sur un laboratoire justement d'accessibilité universelle. Donc nous avons aussi la technologie dont nous n'avons absolument pas parlé, qui doit pouvoir travailler sur cette autonomie et cette mise en accessibilité de la cité au sens large du terme. Merci beaucoup à vous Sophie Cluzel et merci beaucoup Gildas Bréguin de nous avoir évoqué, parce qu'il n'est pas possible de rentrer dans le détail de cette histoire, mais s'il y a un mot que je retiens, c'est ce mot d'universel, parce que universel, ça nous concerne tous, que nous soyons en situation de handicap ou pas. Parce que c'est notre environnement, ce sont nos proches. Et donc, cette histoire est à construire, à écrire. Le travail commence déjà, notamment grâce à vous, Gildas Bréguin, l'histoire du handicap. Et nous continuons toute la semaine, dans le cours de l'histoire, à nous intéresser à cette question. Mais pour le moment, nous retrouvons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, après les déboulonnages, voilà que l'on débaptise massivement aux États-Unis. La ville de San Francisco a décidé de changer le nom de 44 de ses établissements scolaires. Une commission avait été créée en 2017 après les manifestations de suprémacistes blancs à Charlottesville en Virginie contre le déboulonnage de la statue du général sudiste Robert Lee avant même les déboulonnages en série de l'année passée. En ligne de mire de la commission, les grandes figures qui ont défendu l'esclavage, qui apparaissent dans cette liste des établissements à rebaptiser, mais aussi les présidents Washington et Jefferson, ainsi que Francis Scott Key, l'auteur de l'hymne national, pour avoir possédé des esclaves. Ce n'est pas parce qu'on se battait pour le Nord pendant la guerre de Sécession que l'on était farouchement opposé à l'esclavage. The San Francisco Unified School Board is looking at a list of 44 schools for possible renaming. KPIX 5's John Ramos reports that some of the names on it may surprise you. Plus surprenant, le nom du très vénéré Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis qui a aboli l'esclavage, serait également effacé pour sa politique envers les Amérindiens et l'exécution par pendaison sous son mandat de 38 Sioux en 1862. Car au-delà de l'exploitation des Africains-Américains, c'est toute l'histoire du racisme qui fait l'objet de cette opération. Le missionnaire espagnol Junipero Serra est évincé pour avoir soutenu la persécution des Amérindiens lui aussi, mais aussi James Denman pour s'être opposé à l'intégration des enfants d'origine chinoise dans le système scolaire au début du XXe siècle. Le groupe de travail, composé de 12 membres, élèves, parents et enseignants, propose de supprimer les noms de toutes les personnalités ayant pratiqué l'esclavage, opprimé les femmes, empêché le progrès social, mené des actions ayant conduit à un génocide. Une liste de suppression qui n'oublie pas non plus la maltraitance animale, puisque Thomas Edison, pionnier du cinéma et de l'électricité, devra disparaître des frontons des écoles, coupable d'expériences d'électrocution cruelles dont fut victime le très populaire éléphant de cirque Topsy en 1903. La commission scolaire a fait état de quelques hésitations, notamment dans le cas du collège Roosevelt. De quel Roosevelt s'agissait-il ? Le Panthéon américain en compte deux, un naturaliste et le président en poste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous deux ont finalement été supprimés, Théodore pour son opposition au vote des Noirs et Franklin pour l'organisation des camps d'internement de ressortissants japonais en 1942, après l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. Si les intentions de ces suppressions sont largement saluées, c'est la manière de faire, un arbitrage historique jugé parfois expéditif, qui fait l'objet de critiques. London Breed, maire de la ville, a surtout rappelé que l'urgence était d'abord au retour des élèves en classe, toujours privés d'école par l'épidémie de Covid-19. Reste à trouver de nouveaux noms à ces établissements scolaires, un exercice toujours risqué, mais à accomplir avant la fin du mois d'avril. En attendant, les blagues vont bon train sur les noms d'écoles qui pourraient être choisis à l'avenir, de simples numéros, école numéro 1, collège 37 ou jardin d'enfants 72, aux héros de dessins animés afin d'éviter les maladresses historiques à l'avenir. Ah bah oui, d'un seul coup, c'est moins attrayant, un collège 37. Allez, le journal de l'histoire est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée aujourd'hui par Marie Placet avec à la technique Jean-Frédérix, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Judès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou, à écouter ou à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Demain, handicap et guerre mondiale, de la réparation à l'extermination douce.